Bien, comme vous le savez, je voudrais parler ce soir de ce qui est arrivé, de ce qui est arrivé à cette ville, à ce pays, à ce monde, finalement. Et je voudrais d'abord dire dans quel état d'esprit je pense qu'il faut parler de ce qui est quand même une atroce tragédie. Parce que, évidemment, comme on le sait, comme on le remarque, comme c'est dangereusement peut-être martelé par la presse et par les autorités, la fonction de l'affect, de la réaction sensible, est, dans ce genre de situation, inévitable et, en un certain sens, indispensable. Il y a quelque chose comme un traumatisme, comme le sentiment d'une exception intolérable, comme ça, au régime de la vie ordinaire, qui est quelque chose qui s'impose en quelque sorte à tous et qu'on ne peut pas contenir ni même critiquer. Cependant, il faut tout de même savoir. C'est un point de départ de ma considération sur l'état d'esprit, ce que j'appelle l'état d'esprit. Il faut tout de même savoir que cet inévitable affect dans ce genre de circonstances tragiques expose quand même à plusieurs risques. Risques qui ont déjà été soulignés, mais que je voudrais quand même rappeler pour indiquer ce que sera ma méthode. Je vois trois risques principaux à ce qu'on pourrait appeler la domination éventuelle de la dimension d'affect et de traumatisme de cette affaire. Le premier, c'est tout de même d'autoriser l'État à prendre des mesures inutiles et inacceptables, à son propre profit, en un certain sens. Et c'est une conséquence pratiquement inévitable. L'État est brusquement mis sur le devant de la scène et il retrouve momentanément, ou il croit retrouver, une fonction de représentation symbolique, d'unité de la nation, etc. Ce qui, j'y reviendrai, nous permet de percevoir dans le personnel dirigeant une assez sinistre mais évidente jouissance de cette situation criminelle. Au regard de tout ça, il faut quand même garder une mesure, c'est-à-dire rester capable de mesurer dans ce qui est fait, dans ce qui est prononcé, ce qui est inévitable et nécessaire et ce qui est inutile ou inacceptable. C'est la première précaution que je vois, une précaution de mesure au regard du caractère, encore une fois, je le répète, inévitable et indispensable de l'affect. Le deuxième risque de cette domination du sensible, appelons-le comme ça, c'est de renforcer les pulsions identitaires. C'est un mécanisme naturel, là aussi. Il est évident que lorsque quelqu'un meurt accidentellement dans une famille, la famille se regroupe, se resserre et, en un certain sens, se renforce. Et là, il est montré que comme il y a eu un véritable massacre en France, ceci est censé renforcer le sentiment national. Comme si, d'une certaine façon, le traumatisme était un traumatisme qui renvoie à une identité. D'où le fait que sortent les drapeaux tricolores et que Français, France, etc., est prononcé de toutes parts comme une composante évidente de la situation. En fait, à quel titre, et puis qu'est-ce au juste que la France dans cette affaire? De quoi parle-t-on aujourd'hui quand on parle de la France et des Français? Ce sont en réalité des questions très complexes. Il faut garder la conviction qu'elles sont complexes, au moins. C'est-à-dire que c'est pas que le mot France, le mot français, n'a aujourd'hui aucune signification particulièrement triviale, particulièrement évidente. Et puis, je pense qu'il faut faire l'effort contre, justement, cette pulsion identitaire qui est aussi une façon de renfermer l'événement terrible dans une sorte de faux-semblant, il faut absolument se souvenir, là c'est conjoncturel, que de tels meurtres de masse, je les appelle comme ça, de tels meurtres de masse effrayants arrivaient et arrivent tous les jours ailleurs. Tous les jours au Nigeria, encore récemment en Irak, au Pakistan, en Syrie. Je veux dire aussi qu'il n'y a que quelques jours, plus de 200 Russes ont été massacrés dans leur avion saboté, sans que l'émotion ici ait semblé vraiment considérable. Peut-être qu'on les identifiait tous à Poutine. Et c'est une, voyez-vous, je pense que c'est une des nécessités de la justice d'élargir toujours, autant qu'elle le peut, l'espace des affects publics, de lutter contre leurs restrictions identitaires, de se souvenir et de savoir que l'espace du malheur est un espace que nous devons savoir envisager en définitive à l'échelle de l'humanité tout entière et que nous ne devons pas clore dans des déclarations qui le restreignent à l'identité. Sinon, est attesté à travers le malheur lui-même que ce qui compte, ce sont les identités. Et en définitive, ceci est une perception périlleuse de l'événement tragique lui-même, parce que, inévitablement, il transforme la justice en vengeance. Évidemment, la tentation de la vengeance en tant que subjectivité et action, la tentation de la vengeance dans ce genre de crime est une tentation, elle aussi, en un certain sens naturelle. Mais il faut se rappeler que, du point de vue de la destinée de l'humanité tout entière et de ce qu'est la justice, la vengeance ouvre toujours un cycle d'atrocité. Dès les grandes tragédies grecques, on a opposé la logique de la justice à la logique de la vengeance. C'est le sujet fondamental de l'Orestie d'Eschyle. Et la restriction identitaire de la tragédie, c'est tout de même le péril de la concevoir comme une vengeance. Oui, oui, nous allons à notre tour tuer ceux qui ont tué, voilà. Et peut-être, en effet, y a-t-il quelque chose d'inévitable dans le fait de tuer ceux qui ont tué, mais enfin, il n'y a pas lieu de s'en réjouir. Il n'y a pas lieu de le clamer ou de le chanter comme une victoire de la pensée, de l'esprit, de la justice. La vengeance est une donnée primitive. Et cela, c'est ce que déjà les Grecs nous ont appris il y a longtemps. De ce point de vue-là, je voudrais aussi m'inquiéter même de choses qui ont été saluées comme des évidences. Par exemple, la déclaration d'Obama. La déclaration d'Obama qui n'avait l'air de rien, qui consistait à dire que ce crime terrible n'était pas seulement un crime contre la France, un crime contre Paris, mais un crime contre l'humanité. Très bien, mais le président Obama ne déclare pas cela à chaque fois qu'il y a un meurtre de masse de ce genre. Il ne le fait pas quand les choses se passent lointainement dans un Irak devenu incompréhensible ou dans un Pakistan brumeux. Et donc, l'énoncé contient l'idée évidente que l'humanité est plutôt en France qu'elle n'est au Nigeria ou en Inde ou au Pakistan. C'est-à-dire qu'elle est en Occident. Et ceci sera réarticulé sous une autre forme sur laquelle je reviendrai, qui est l'opposition des barbares et des civilisés. Il est tout de même scandaleux, du point de vue de la justice, de laisser entendre, même sans le vouloir, même indirectement, qu'il y a des parties de l'humanité qui sont plus humaines que d'autres. Et je crains que dans cette affaire, cela ait été fait, et cela continue d'être fait. Je pense qu'il faut rompre avec l'habitude très présente, y compris dans la manière dont les choses sont racontées, présentées, disposées ou ne le sont pas, l'habitude de penser qu'un mort occidental, c'est terrible, et que 1000 morts en Afrique, en Asie ou au Moyen-Orient, ça n'est finalement pas grand-chose. Ça, c'est tout de même l'héritage de l'impérialisme colonial. C'est l'héritage, l'habitude de l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident, les pays avancés, les pays civilisés, les démocraties, comme vous voulez, de se considérer comme représentant l'humanité tout entière et la civilisation humaine en tant que telle. C'est le deuxième péril. Et puis, il y a un troisième péril qui est dans cet abandon éventuel à l'affect, qui est de faire exactement ce que les meurtriers désirent, c'est-à-dire obtenir un effet démesuré, occuper la scène interminablement et de façon anarchique et violente. Parce que le but de ce type de carnage, de ce type de violence abjecte, c'est de susciter chez les victimes, chez leur voisinage, chez leur pays, etc., de susciter une sorte de ce que j'appellerais un sujet obscur. Un sujet obscur à la fois déprimé et vengeur. Sujet obscur à la fois déprimé et vengeur qui se constitue à raison du caractère de frappe violente et presque inexplicable du crime, mais qui est aussi une stratégie. Stratégie qui justement repose sur le fait que la raison va disparaître, l'affect va prendre le dessus, et que donc on aura le couple de la dépression abattue, je suis hébété, je suis choqué, je suis etc., et finalement de l'esprit de vengeance qui va laisser faire à peu près n'importe quoi. Or, ce sujet obscur, qui est souvent la construction des actes de ce genre, qui sont des provocations fascistes, j'y reviendrai, mais l'effet des provocations fascistes, c'est de provoquer chez celui qui est visé cet obscurcissement, ce sujet obscur, qui est un mélange de dépression et d'esprit de vengeance, et qui, il faut le dire, est capable à son tour du pire, comme par une sorte de fondamentale contagion. Alors, pour parer à ces trois risques, je pense qu'il faut parvenir à penser ce qui est arrivé. Il faut parvenir à le penser, et il faut partir de l'hypothèse assez dure, en fait, dans son exercice, qui est que rien de ce que font les hommes n'est inintelligible. Dire « je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais, je ne peux pas comprendre », c'est toujours une défaite. Et c'est une défaite toujours très cher payée. On ne doit rien laisser dans le registre de l'impensable. C'est la vocation de la pensée pour pouvoir, entre autres choses, s'opposer à ce qu'elle déclare impensable, que de le penser. Bien entendu, il y a des conduites absolument irrationnelles, criminelles, pathologiques, mais justement, ce qui est irrationnel, criminel et pathologique constitue pour la pensée des objets comme les autres, et il ne laisse pas la pensée dans l'abandon ou dans l'incapacité d'en prendre la mesure. La déclaration de l'impensable, c'est toujours une défaite de la pensée, et la défaite de la pensée, c'est toujours la victoire, précisément, des comportements irrationnels, criminels et pathologiques. Alors c'est pour ça que je vais tenter ici, devant vous, une sorte d'élucidation de ce qui est arrivé. Je vais en quelque sorte le traiter comme un des nombreux symptômes actuels d'une maladie grave du monde contemporain, de ce monde en son entier, et je vais essayer d'indiquer les exigences ou les chemins possibles d'une guérison à long terme de cette maladie, dont la multiplication des événements de ce genre dans toute une partie du monde est un symptôme particulièrement violent et particulièrement spectaculaire. Alors ça va commander le plan de ce que je vais vous dire, que je vais vous donner, sa logique. Je vais d'abord tenter d'aller de la situation d'ensemble du monde, telle que je la vois, telle que je crois qu'on peut la penser synthétiquement, d'aller de cela aux crimes de masse et à la guerre qui, du côté de l'État, a été prononcée ou déclarée. Et puis, ensuite, je vais aller de là, par un mouvement en quelque sorte inverse, à la situation d'ensemble, non plus telle qu'elle est, mais telle qu'il faut désirer, vouloir et agir, qu'elle devienne, pour que de semblables symptômes disparaissent. Voilà. Donc c'est un mouvement d'aller puis de retour entre la généralité de la situation du monde et l'événement qui nous importe, puis de l'événement qui nous importe à la situation du monde, mais telle naturellement qu'ainsi éclairée dans cet aller-retour, elle indique en tout cas un certain nombre de nécessités et de tâches. Alors ça me donnera 8 parties successives, vous en avez pour un moment. D'abord, première partie, ce sera la structure objective du monde contemporain. Donc le cadre général de ce qui se produit, et qui encore une fois s'est produit ici, mais se produit ailleurs quasiment tous les jours. Donc la structure objective du monde contemporain, telle qu'elle s'est mise en place en réalité depuis les années 80 du dernier siècle. Et où en est notre monde du point de vue de ce qui s'est mis en place insidieusement, puis de façon évidente, puis de façon acharnée, depuis à peu près un peu plus de 30 ans. Deuxièmement, j'examinerai les effets majeurs de cette structure du monde contemporain sur les populations. Sur les populations, sur leur diversité, sur leur enchevêtrement et sur leur subjectivité. Alors ceci me donnera mon troisième point, qui concernera les subjectivités typiques ainsi créées, je les appelle comme ça, c'est-à-dire les subjectivités typiques de ce monde-là. Car je crois que ce monde a créé aussi des subjectivités singulières, caractéristiques de la période, et comme vous le verrez, je distinguerai 3 subjectivités typiques. Et enfin, en quatrième point, et vous voyez bien que ça va me rapprocher, évidemment, de l'objet propre de cet exposé, il y aura ce que j'appellerai les figures contemporaines du fascisme. Parce que, comme vous le verrez, je pense que les acteurs de ce qui s'est passé là méritent d'être appelés des fascistes, en un sens renouvelé et contemporain du terme. Alors, parvenu là, je vais remonter dans l'autre sens. Donc, ma cinquième partie sera consacrée quasiment à l'événement lui-même dans ses différentes composantes. C'est-à-dire, qui sont les tueurs? Qui sont les agents de ce crime de masse? Et comment qualifier leur action? Sixièmement, la réaction de l'État et le façonnage de l'opinion publique autour des deux mots France et guerre. La septième partie sera entièrement consacrée à la tentative de construire une pensée différente, c'est-à-dire de se soustraire à ce façonnage de l'opinion publique et à l'orientation de la réaction de l'État. Et la dernière partie portera sur les conditions, éclairées par tout cela, naturellement, de ce que j'appellerais un retour de la politique, au sens d'un retour de la politique d'émancipation ou d'un retour d'une politique disjointe, précisément, de toute inclusion dans le schéma du monde dont je serai parti. Donc, la structure du monde contemporain, telle que à la fois je la vois, est telle qu'elle va nous servir, évidemment, à éclairer ce qui est l'enjeu de cette séance. Alors, je pense que on peut la décrire à grands traits, naturellement, autour de trois thèmes. Trois thèmes qui sont profondément intriqués, profondément emmêlés. D'abord, ça c'est une banalité affligeante, mais à mon avis dont les conséquences sont peu tirées, depuis 30 ans, ce qu'il y a, c'est le triomphe du capitalisme mondialisé. Le triomphe du capitalisme mondialisé, c'est à la fois le retour d'une sorte d'énergie primitive du capitalisme, ce qu'on a appelé d'un nom contestable le néolibéralisme, hein, la réapparition de ce qui est en réalité l'idéologie constitutive du capitalisme depuis toujours, hein, le libéralisme. Il n'est pas sûr que néo soit justifié. En tout cas, je ne crois pas qu'il soit si néo que ça, quand on le regarde de près. Donc le triomphe du capitalisme mondialisé, c'est à la fois cela, une espèce d'énergie retrouvée du capitalisme, de la capacité au fond d'afficher de façon maintenant publique et sans la moindre pudeur, si je puis dire, ses caractéristiques générales, sa prétention à être le seul chemin possible pour le destin historique de l'humanité, qu'il a retrouvé avec joie. Puis mondialisé, ça c'est un peu une inflexion différente, c'est-à-dire le capitalisme installé maintenant, de toute façon, sont explicites et déployés à une échelle qui est l'échelle planétaire, et qui fait que ce capitalisme mondialisé est non seulement un capitalisme qui a retrouvé en quelque sorte son énergie dissolvante, nous verrons les effets de cette dissolution, son énergie dissolvante, mais qui aussi l'a étendue à des contrées, à des régions, de telle sorte que maintenant, on peut considérer que tout cela constitue une maîtrise de l'ensemble de la planète. Le deuxième thème, c'est l'affaiblissement des États. Alors, évidemment, c'était une conséquence du premier, mais assez subtile à dégager et qui est tout à fait intéressante. Vous savez que, vous savez tous, naturellement, qu'un des thèmes les plus moqués du marxisme a été le thème du dépérissement de l'État. Le marxisme annonçait que la réorganisation de la société inclurait et déploierait, en définitive, une société sans État. C'est une société que Marx appelait celle de l'association libre. Eh bien, nous assistons à ce phénomène tout à fait pathologique qui est un processus capitaliste de dépérissement de l'État. C'est ce que j'affirme. Et ce processus capitaliste de dépérissement de l'État, je vais tenter d'en dire les grands aspects, est un phénomène fondamental aujourd'hui, même s'il est masqué par la subsistance, pour un temps historique probablement assez long, de polarité de puissance assez grande, mais néanmoins, la logique générale du capitalisme mondialisé, c'est de n'avoir pas de rapport direct et intrinsèque à la subsistance d'États nationaux. Parce que, en vérité, son déploiement à lui est aujourd'hui transnational. Alors ça remonte assez loin, on a examiné déjà dès les années 60 les modifications qui introduisaient le caractère multinational des grandes firmes. Mais ces grandes firmes sont devenues depuis des monstres d'une toute autre nature. Et enfin, le troisième point, c'est ce que j'appellerais les nouvelles pratiques impériales. C'est-à-dire les modes d'action en force, si je puis dire, de l'extension mondiale du capitalisme. Les nouvelles figures de l'impérialisme, c'est-à-dire de la conquête de la planète au profit et comme base d'existence du capitalisme lui-même. Alors je reprends ces thèmes l'un après l'autre. Bon, sur le premier point, le triomphe du capitalisme mondialisé, c'est une évidence, d'une certaine manière, que tout le monde a présente à l'esprit. On peut dire que aujourd'hui, le marché mondial, c'est le repère absolu de l'historicité planétaire. C'est de lui qu'il est question à tout moment. On sait très bien que dès que la bourse de Shanghai a des frissons, le monde entier s'inquiète, semble terrorisé, se demande ce qui va arriver, et ainsi de suite. Et l'agressivité qui accompagne cette extension, ce caractère régnant du marché mondial, comme repère de l'historicité planétaire, cette agressivité est particulièrement spectaculaire. Nous assistons aujourd'hui à la destruction partout des tentatives antérieures d'introduire dans le capital une mesure. J'appelle une mesure les sortes de compromis passés, notamment dans la période de l'après-dernière guerre mondiale, entre la logique du capital et d'autres logiques. D'autres logiques qui pouvaient être des logiques de mesure, des logiques de nationalisation partielle, des mesures de contrôle ou de certains excès de la propriété privée, l'introduction aussi de mesures de type la possibilité pour tout un chacun d'accéder aux soins, donc des formes de limitation du caractère de l'exercice privé, des fonctions libérales, etc., etc. Tout cela, d'une certaine façon, est en train d'être méthodiquement détruit, y compris dans les pays qui en étaient le paradigme. Je ne parle même pas des États socialistes, de feu les États socialistes, mais la France était un des pays qui était paradigmatique pour cela. Et on détruit tout cela avec une application extrême. On a commencé évidemment par les dénationalisations, par les privatisations. Le mot est tout à fait agressif, privatisation, c'est un mot qui désigne directement le fait que toute une série de choses qui étaient destinées aux biens publics doivent être restitués d'une certaine manière à la propriété privée comme telle. C'est un mot d'une agressivité extraordinaire, bien qu'il soit maintenant devenu une banalité. Et également, c'est de façon incessante, et qu'il s'agisse de la droite ou de la gauche, il n'y a aucune différence, que des pans entiers de la législation sociale sont défaits, qu'il s'agisse du code du travail, qu'il s'agisse de la sécurité sociale, etc. Donc, il faut quand même bien voir ce point, c'est-à-dire que la victoire objective du capitalisme mondialisé, c'est une pratique destructrice, agressive. Ce n'est pas simplement une espèce d'expansion raisonnée ou raisonnable d'un système particulier de production. Et on ne veut qu'être inquiet de la faible résistance au regard de ces destructions successives. Elle est localisée, elle est dispersée, elle est corporatiste très souvent, elle est sectorielle, mais aucune vision d'ensemble ne la soutient. Et en réalité, la reculade est ininterrompue depuis 30 ans. Elle est ininterrompue depuis 30 ans. Alors, en réalité, tout cela fait que l'introduction de cette mesure, proposant des formes de compromis surveillées nationalement ou politiquement de la logique du capital, entraîne que cette logique du capital est aujourd'hui libérée. C'est-à-dire, le libéralisme est libéré, voilà, la libération du libéralisme. Et cette libération prend deux formes, la mondialisation, c'est-à-dire l'expansion ininterrompue, des territoires entiers, comme la Chine, qui est quand même un territoire considérable, sont entrés de façon formelle dans cette logique, et aussi l'extraordinaire puissance de la concentration du capital. C'est-à-dire c'est ce mouvement dialectique caractéristique du capital qui s'étend et que, en s'étendant, il se concentre. L'expansion et la concentration sont deux modalités absolument liées l'une à l'autre du caractère protéiforme du capital. Des concentrations qui se poursuivent également en même temps que les privatisations et les destructions s'accélèrent. Comme vous avez tous remarqué, parce que ça a un côté un peu spectaculaire, la récente fusion de la FNAC et de Darty. C'est-à-dire, c'est la fusion du livre et du frigidaire. Mais ça, c'est la fusion capitaliste. Elles sont symboliques et sont créées ainsi progressivement des pôles de puissance comparables aux États, sinon supérieurs à beaucoup d'entre eux. Il faut bien voir ça. Ce sont des pôles de puissance financière, organique, du personnel traité, etc., etc., qui sont, à travers cette mondialisation de concentration, des pôles de puissance apparaissent, qui sont transnationaux et qui ont donc un rapport diagonal aux États. Ils ne sont pas à proprement parler des choses sur lesquelles la souveraineté étatique va de soi. C'est ainsi qu'on peut constater que des firmes de dimension considérable, la plus grande firme française, Total, par exemple, ne paie aucun impôt en France. Donc son caractère français est difficile à assigner. Enfin, bon, son siège social doit être quelque part à Paris, mais l'État, vous le voyez, est décollé de ceux-là même qui se réclament de lui en termes de nationalité. Ça, c'est l'ensemble des processus objectifs qui sont quand même, la structure dynamique, la structure historique dominante du monde contemporain. Et alors, il y a une victoire aussi subjective qui accompagne cette victoire objective. C'est le déracinement total de l'idée même d'un autre chemin possible. Ça, c'est d'une importance considérable. C'est-à-dire l'affirmation, en quelque sorte, stratégique qu'une autre orientation globale, systémique, de l'organisation de la production et du jeu social est, pour l'instant, pratiquement absente. De sorte que, y compris les propositions de résistance, les propositions de réintroduire la mesure, etc., se situent déjà dans une vision défaitiste du mouvement général. Elles ne sont pas inscrites dans une stratégie qui serait de reconquête de la territorialité de l'idée. Mais elles sont la nostalgie de l'époque des mesures. C'est d'ailleurs frappant de voir que c'est le programme du Conseil national de la Résistance qui est devenu le magnifique modèle nostalgique de la France. L'époque où il y a eu un programme qui comportait des nationalisations, la sécurité sociale, etc. Oui, mais à l'époque, premièrement, on sortait d'une guerre mondiale, et deuxièmement, il y avait un puissant parti communiste. Enfin, ça, qu'on le veuille ou non, c'était comme ça. Et maintenant, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même chose, et la nostalgie de ce programme est une nostalgie au sens strict, c'est-à-dire une rêverie complètement décollée de cette victoire subjective spectaculaire, malgré tout, qui fait que, après tout, dans un temps assez court, la force existante de l'idée que, quelles que soient les difficultés, une autre possibilité existait, qui encore dans les années 60-70 du dernier siècle animait dans le monde entier des révoltés de tous ordres, cette idée est aujourd'hui à ce point malade que on a honte de la ressortir. Enfin, pas moi, mais... Elle est criminalisée. Elle est criminalisée, et sa criminalisation peut avoir des raisons, Staline, etc. Mais le but poursuivi par les tenants de la mondialisation capitaliste n'est pas un but éthique, comme ils font semblant de le faire croire. C'est un but de déracinement définitif, à leur avis, de l'idée d'une alternative. On est passé du 2 à l'un. Ça, c'est fondamental. C'est pas la même chose quand, sur une même question, il y a deux idées en conflit ou qu'il n'y en a qu'une. Et cette unicité est un point fondamental du triomphe subjectif du capitalisme. À l'intérieur de tout cela, que dire des États ? Les États sont en définitive des gestionnaires locaux de cette affaire-là. C'est-à-dire, ils sont une espèce de médiation instable, d'ailleurs, entre la logique générale que je viens de décrire et les situations particulières définies par pays, coalitions, États, enfin, ça dépend des cas. Et il s'en faut de beaucoup que la norme de la puissance soit représentée par eux et eux seuls. Bien sûr, il existe encore des pôles étatiques constitués qui manifestent une certaine vigueur. Les grands pôles de type États-Unis, Chine, etc. Mais même dans ces lieux-là, le processus général est celui que nous avons décrit. Ils ne sont pas porteurs d'autre chose. Comme je l'ai rappelé, les grandes firmes ont la taille des États moyens, Et il est très frappant que les banques elles-mêmes sont devenues des ensembles si considérables qu'on admet comme un axiome que leur chute est impossible. « Too big to fail », trop gros pour chuter. C'est ce qu'on dit maintenant couramment à propos des grandes banques américaines, ce qui signifie d'une certaine manière que la macroscopie économique l'emporte en vérité sur la capacité étatique. Et c'est ce que j'appelle l'affaiblissement des États. C'est-à-dire que non seulement les États sont largement devenus ce que Marx pensait déjà d'eux, à savoir des fondés de pouvoir du capital, mais je ne sais pas s'il a jamais imaginé d'avoir raison au point que la réalité d'aujourd'hui lui donne. Non seulement ils sont les États sont des fondés de pouvoir du développement du capital, mais d'une certaine manière, il y a une espèce de discordance entre l'échelle d'existence des grandes firmes et l'échelle d'existence des États qui, d'une certaine façon, fait que l'existence des grandes firmes est diagonale aux États. Elle ne se coïncide pas ni à eux ni à leur coalition. Elle les traverse, en quelque sorte, comme un régime de la puissance qui, d'une certaine manière, est décollé, décorrélé des États, même si ils continuent à s'en servir. Alors, ceci m'amène au troisième point, c'est-à-dire les nouvelles pratiques impériales. Alors, vous savez, l'impérialisme ancien, celui du XIXe siècle, était, lui, entièrement sous la coupe de l'idée nationale et de l'État-nation. Alors, ça a été, en fait, un partage du monde entre nations puissantes dans des réunions, comme la réunion de Berlin en 1885, où, d'une certaine manière, on découpait l'Afrique comme un gâteau, en disant « ça, c'est pour la France, ça, c'est pour l'Angleterre, ça, c'est pour l'Allemagne, etc. », et où on installait un pouvoir métropolitain de gestion directe des territoires, avec la complicité éventuelle de quelques notables locaux. Et puis, il y a eu les guerres mondiales, il y a eu les guerres de libération nationale, il y a eu l'existence du bloc socialiste soutenant les guerres de libération nationale. Bref, tout ceci a progressivement mis fin, au cours des années 40, 50 et suivantes, à ce régime d'administration directe, c'est-à-dire ce qui a été appelé le colonialisme au sens strict, c'est-à-dire l'installation d'un pouvoir métropolitain dans les régions dominées. Ceci étant, les tâches régaliennes de protection des firmes, de contrôle du circuit des matières premières, de contrôle des sources d'énergie, devaient continuer à être assumées en partie par des moyens étatiques. Ils ne pouvaient pas être assumées uniquement par les moyens des mercenaires des firmes. Il y a donc depuis des années, voire des décennies, en réalité une activité militaire incessante. Il faut rappeler que les interventions militaires en Afrique dans les dernières années, il y en a eu plus de 50. Plus de 50. Donc on peut dire qu'il y a eu un état de mobilisation militaire quasi chronique de la France pour maintenir son précaré africain. Et il y a eu aussi, comme on sait, des grandes expéditions, des conflits gigantesques, la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, et puis finalement la destruction de l'Irak, et puis ce qui se passe en ce moment. Donc, le point n'est pas la fin des interventions impériales, absolument pas. La question est d'une différence de modalité de l'intervention impériale. Que faire pour protéger tout cela? Pour protéger, comme disent innocemment les journaux parlant de l'intervention française au Mali, je lisais, c'est une réussite parce qu'on y a protégé les intérêts de l'Occident. Ça, c'était dit comme ça. Donc au Mali, on protège les intérêts de l'Occident. On ne protège pas les Maliens, apparemment. Donc, il faut continuer tout cela. Donc, il va y avoir une différence de modalité de l'impérialisme. Et ce que je pense, c'est que ce qui apparaît petit à petit, c'est l'idée que plutôt que de prendre en charge la tâche pénible de constituer des États sous tutelle de la métropole, ou encore plus des États directement métropolitains, une possibilité, c'est tout simplement de détruire les États. Et ça, C'est une possibilité du capitalisme mondialisé, dans sa désétatisation progressive, qui est que, au fond, on peut créer, dans une géographie de zones franches, anarchiques, où il n'y a plus d'État, où par conséquent on n'a plus à discuter avec ce monstre redoutable qui est toujours un État, même s'il est faible, etc., le risque permanent que l'État vous préfère un autre client, etc., mais où tout le monde va opérer dans des zones franches ouvertes, où, d'une certaine manière, il y a une sorte de demi-anarchie, des bandes armées contrôlées ou incontrôlables, mais où les affaires peuvent continuer. Et en vérité, il faut quand même bien se rendre compte que, contrairement à ce qui se dit, à ce qui se raconte, les firmes, leurs représentants, les agents généraux du capital partout peuvent parfaitement négocier avec des bandes armées, à certains égards, plus facilement même qu'avec des États constitués. Donc il n'est pas vrai que l'anarchie étatique et les cruautés inimaginables qui vont avec, etc., soient nécessairement en contradiction formelle avec la structure du monde telle qu'elle est aujourd'hui. Tout le monde avait pu constater que ça fait quand même un bon bout de temps qu'on parle d'écraser Daesh, mais en réalité, jusqu'à présent, rien de réellement sérieux n'a été fait, excepté par les Kurdes, qui eux sont sur place et ont des intérêts propres dans la région. Tout le monde se dit, oh là là, envoyer 300 000 hommes là-bas, c'est pas... peut-être qu'il vaut mieux continuer à limiter la chose plus ou moins, et puis à traiter, à la ramener à son régime de traitement des affaires. Après tout, Daesh, ils vendent du pétrole. C'est une entreprise commerciale compétente. Ils vendent du pétrole, ils vendent des œuvres d'art, ils vendent beaucoup de coton, d'une grande puissance productrice de coton, Daesh. Donc ils vendent beaucoup de choses à tout le monde. Parce que pour vendre quelque chose, il faut être deux. C'est pas Daesh qui achète son coton. Alors... Tout cela pour dire que j'ai proposé le mot de zonage. J'ai proposé de dire que à l'impérialisme qui constituait des pseudo-pays découpés n'importe comment, mais qui avait le statut de pays sous la tutelle de la métropole, on pouvait constituer en Afrique, au Moyen-Orient, dans certaines zones d'Asie, on pouvait constituer des zones qui sont en réalité des zones de pillage non étatisées et dans lesquelles, sans doute, il faudra intervenir militairement de façon régulière, mais sans avoir en charge véritablement la gestion intégrale et lourde d'États coloniaux. Donc je pense que, pour récapituler tout cela, nous avons une structure du monde contemporain dominée par le triomphe du capitalisme mondialisé. Nous avons un affaiblissement stratégique des États, voire même un processus en cours de dépérissement capitaliste des États. Et troisièmement, nous avons de nouvelles pratiques impériales qui tolèrent et même encouragent dans certaines circonstances le dépeçage, voire l'anéantissement des États. On ne peut pas ignorer cette hypothèse. Si on se demande, par exemple, quel était l'intérêt véritable de l'expédition en Libye, on a détruit un État complètement, on a créé une zone d'anarchie dont tout le monde se plaint ou feint de se plaindre, mais après tout, les Américains ont fait la même chose en Irak, et donc dans des zones considérables, la pratique a été de détruire les États pour ne mettre à leur place pratiquement presque rien. C'est-à-dire des accords fragiles entre minorités, religions. Là, on a remplacé les sunnites par des chiites, etc. Mais tout ça, ce sont des opérations non étatiques au sens sérieux du terme. C'est absolument évident. Alors, j'en viens maintenant aux effets sur la population, sur les populations de tout cela, de cet état du monde et dans son déploiement sans résistance, sans alternative véritable. Alors là, il faut quand même avoir la vision des effets sur les populations de tout cela sans être trop obnubilé par notre situation strictement locale. D'abord, le développement inégalitaire et sans précédent. Alors, on sait, même la droite s'en inquiète quelquefois de ces inégalités si monstrueuses que on ne sait pas si on contrôle bien le système de ses effets. Il y a des chiffres fondamentaux qu'il faut connaître, qu'il faut que tout le monde connaisse, que tout le monde ait dans sa poche, des chiffres fondamentaux qui sous-tendent quand même, ce qu'il faut bien appeler une logique de classe, extrêmement stricte, extrêmement tranchée, et qui, d'une certaine façon, est telle qu'elle rend stupide ou impraticable la norme démocratique, même la plus formelle. Un certain degré d'inégalité, parler de démocratie et de normes démocratiques n'a plus aucun sens. Alors, je les rappelle, ces chiffres. Hein. 1% de la population mondiale possède 46% des ressources disponibles. 1% pour 46%, presque la moitié. Hein. 10% de la population mondiale possède 86% des ressources disponibles. Et 50% de la population mondiale ne possède rien. Donc, la description objective en termes de population, en termes de masse de cette affaire, elle signifie que nous avons une oligarchie planétaire qui représente à peu près 10% de la population. Oligarchie qui détient, je répète, 86% des ressources disponibles. 10% de la population, ça correspond à peu près à ce qu'était la noblesse dans l'Ancien Régime. Voilà, c'est à peu près ça. À peu près du même ordre. Donc, notre monde est un monde qui, à sa manière, restitue, reconfigure une situation oligarchique qu'il a traversée et connue il y a longtemps, et à laquelle, sous d'autres formes et sous d'autres aspects, il revient. Alors, nous avons une oligarchie de 10%, et puis nous avons une masse démunie d'à peu près la moitié de la population mondiale. Et ça, ça fait 60%. Le haut, 10%, l'oligarchie, le bas, la masse démunie, défaite, les masses africaines, asiatiques dans leur écrasante majorité, la moitié. Et il reste donc 40%. Ce 40%, c'est la classe moyenne. Voilà. La classe moyenne qui se partage péniblement 14% des ressources mondiales. Donc là, on a une vision structurée assez significative. On a une masse de démunis qui fait la moitié de la population mondiale, on a une oligarchie nobiliaire, si je puis dire, du point de vue de son nombre, et puis on a la classe moyenne, pilier de la démocratie, qui a 40% de la population, se partage 14% des ressources mondiales. Alors, cette classe moyenne, elle est largement concentrée dans les pays dits avancés. C'est une classe largement occidentale. Et elle est le support de masse fondamental des institutions locales du pouvoir démocratique, du pouvoir parlementarisé. Je pense qu'on peut avancer, sans vouloir insulter son existence, puisque nous en participons tous ici, plus ou moins, n'est-ce pas ? Mais ça n'est pas une raison pour ne pas être lucide la concernant. On peut dire qu'un but très important de ce groupe, qui quand même n'a accès qu'à une assez faible partie des ressources mondiales, un petit 14%, hein, c'est de ne pas être renvoyé, identifié à l'énorme masse des démunis. Ça se comprend bien. Ceux qui n'ont rien. Voilà pourquoi, malgré tout, cette classe, prise dans son ensemble, est poreuse au racisme, à la xénophobie, au mépris. Ce sont des déterminants subjectifs menaçants constamment de cette masse moyenne, qui définit en un certain sens l'Occident, au sens large, ou la représentation qu'il a de lui-même, et qui alimente un sentiment de supériorité. On sait bien que la classe moyenne occidentale est le vecteur de la conviction qu'en définitive, l'Occident, c'est le lieu des civilisés. Et quand on lit qu'il faut faire la guerre aux barbares, c'est évidemment au nom de ces civilisés qu'on parle, en tant que les barbares sont issus, sortent de l'énorme masse de ceux qui sont laissés pour compte. Alors ça, c'est le premier point que je voulais indiquer, qui est que dans cette vision du monde, on voit bien la position très singulière de la classe moyenne, notamment européenne. Elle est une plaque sensible de la différence, somme toute constamment menacée, en réalité, entre elle-même, la classe moyenne, et l'énorme masse un peu distante, un peu lointaine, mais représentée aussi dans nos pays, hein, qui a aussi ses représentants dans nos pays, de ceux qui n'ont pas grand-chose ou rien. Et c'est à elle qu'on tient le discours de la défense des valeurs. Défendons nos valeurs. En réalité, défendre nos valeurs, ça veut dire défendre le mode de vie occidental de la classe moyenne. C'est ça. C'est le mode de vie des 40%. Ce mode de vie dont Pascal Bruckner dit qu'il n'est pas négociable. Le mode de vie occidental n'est pas négociable. Il a eu cette phrase péremptoire. Voilà. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles l'affaire dont nous parlons là est significative et traumatisante, parce que d'une certaine manière, elle frappe en effet en Europe, qui à certains égards est le ventre mou pour l'instant du capitalisme mondialisé, elle frappe en réalité au cœur de la masse moyenne, de la classe moyenne, qui elle-même se représente comme un îlot de civilisation dans un monde qui, qu'il s'agisse en réalité de l'oligarchie si peu nombreuse qu'on la voit à peine, ou qu'il s'agisse de l'énorme masse des démunis, l'entoure, l'encadre et la serre de près, hein, cette classe moyenne. Et c'est pour ça que c'est vécu, disons, comme une crise de civilisation, c'est-à-dire comme un attentat porté à quelque chose qui, malgré tout, déjà dans son existence historique, naturelle, est menacé par les développements en cours, et que, auquel, cependant, on se cramponne. On se cramponne. Ça, c'est le premier des effets sur la population. Par ailleurs, il y a quelque chose qui est très important aussi pour comprendre ce qui se passe, c'est que il y a dans le monde aujourd'hui un peu plus de 2 milliards de personnes dont on peut dire qu'elles sont comptées pour rien. Là, c'est même pas simplement qu'ils sont dans le registre des démunis, mais ce sont... C'est-à-dire comptés pour rien par le capital. C'est-à-dire qu'aux yeux du développement structurel du monde, ne sont rien. Ne devraient pas être là, même. Ça serait mieux. Mais ils y sont quand même. Alors, ils sont comptés pour rien, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'ils ne sont ni consommateurs, ni force de travail. Parce qu'il n'y a que deux manières d'exister pour le capital, si vous n'appartenez pas à l'oligarchie. Vous devez être un salarié, d'un côté, et puis ensuite vous devez dépenser votre argent en consommant les produits qui sont fabriqués par le même capital. Donc votre identité, aux yeux du mouvement dominant du monde d'aujourd'hui, c'est la double identité de salarié et de consommateur. Et il y a 2 milliards de gens qui n'ont accès ni à l'un ni à l'autre. Ils n'ont pas accès au travail, et par la voie de conséquence, ils n'ont pas accès au marché non plus. Donc ceux-là, ils sont comme s'ils n'existaient pas. Du point de vue de la logique générale du monde, ils sont comme s'ils n'existaient pas. Et on commence à entendre une propagande sur le caractère extrêmement dangereux d'une invasion par ces gens qui n'existent pas, ou qui devraient ne pas exister. La logique qui entoure la question des mouvements migratoires, la question de la natalité en Afrique, etc., elle concerne directement ce point, c'est-à-dire va-t-il y avoir une augmentation, une aggravation, un poids supplémentaire de ces gens qui sont déjà probablement plus de 2 milliards, ce qui n'est quand même pas rien dans le monde, et que pourtant l'histoire du monde dans son développement actuel aurait tendance à tenir pour ne pas exister, pour ne pas avoir à exister, puisqu'ils ne sont ni en état d'être une force de travail, ni en état d'être consommateur. Alors, en réalité, il faut être marxiste, là. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a des gens qui... Parce que le capital, dans son être propre, ne valorise la force de travail qu'à raison du fait qu'il peut en tirer des profits. Donc il n'est jamais certain qu'il puisse valoriser toute la force de travail disponible. Il y a eu déjà d'autres périodes de chômage de masse, hein, dans les années 30. Et aujourd'hui, il semble que ce soit plus structurel que ça. C'est peut-être une impossibilité intrinsèque pour le capitalisme mondialisé d'être hors d'état de valoriser, sous la forme des profits qu'il en tire, la force de travail disponible. Et peut-être que ça s'aggravera encore. Peut-être que le système des profits, qui sont la dynamique même du capital, rencontre une barrière créée par sa propre extension, de sorte qu'il aurait le devoir, la nécessité de valoriser une force de travail, ce qu'il ne peut pas faire. Et il ne le peut pas, pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas baisser la durée du travail. Et pourquoi il ne peut pas baisser la durée du travail ? Parce que s'il la baisse, pour des raisons concurrentielles et des raisons de mécanisme de production du profit, il n'en tirera plus de profit. On peut considérer que probablement, aujourd'hui, pour avoir une valorisation raisonnable de la force de travail, il faut que le travail continue à durer aux alentours de 40 heures, alors qu'il y a 2 milliards de gens qui n'ont pas de travail, et probablement un peu plus. Donc, on pourrait calculer en sens inverse. On pourrait dire, compte tenu de la situation, un gouvernement mondial raisonnable et soucieux du bien public, n'est-ce pas, considérerait que il faut décider, comme imaginait Marx que ça se ferait, que le temps de travail doit être ramené à 20 heures, peut-être à moins. Et évidemment, nous aurions une rapide résorption de cette masse énorme de gens qui ne peuvent pas accéder au travail. Marx avait étudié la question, il avait déjà conçu qu'un combat fondamental était le combat sur la durée du travail, c'était un point central de ses propositions, parce qu'il voyait bien que pour arracher le travail à la domination du capital, il fallait pousser la chose, la diminution de la journée de travail, jusqu'au moment où le capital ne la tolérerait plus. Mais en vérité, comme c'est lui qui a vaincu, non seulement il ne la tolère plus, mais ceux qui ne peuvent pas rentrer dans ce cadre-là, eh ben, ils ne sont rien du tout. Ils sont, il y a une énorme masse de gens dans notre monde qui sont comptés pour rien. C'est un point qui est absolument nécessaire de prendre en compte si on veut comprendre ce qui se passe. Et, dernier point, la géographie de tout cela, c'est-à-dire la répartition géographique de ces forces disponibles comptées pour rien, etc., etc., est évidemment liée au zonage. Dans les zones où la situation est anarchique, où l'État est absent, où circulent des bandes armées, finalement, on se résigne à ce que les populations qui sont là, eh bien, ne soient au sens strict sans aucune défense instituée. Pourquoi les défendrait-on, puisqu'elles ne sont ni consommatrices ni force de travail ? Donc elles peuvent errer au milieu des bandes armées et vivre comme elles peuvent. En définitive, c'est leur faute, quoi. Ils sont rebelles aux lois du monde. Ils sont rebelles aux lois du monde, puisque ils ne peuvent pas les nourrir, les accepter par leur travail. Ceci explique que des zones entières puissent être livrées à un gangstérisme politique de type fasciste. Ce qui ne serait pas le cas, qui ne pourrait pas être le cas, s'il n'y avait pas des milliards de gens qui sont comptés pour rien. Si tout le monde était, en fait, intégré dans les figures de la socialité ordinaire, de la socialité commune, ça serait impossible. Mais la combinaison du zonage, c'est-à-dire la destruction des États, et du phénomène de l'existence par millions ou milliards de gens qui sont comptés pour rien, conduit à l'existence dans des zones considérables, de ce qu'on peut appeler une domination de type gangster. C'est-à-dire des espèces de firmes commerciales terroristes qui occupent des lieux inoccupés et vacants, si je puis dire, et créent là des figures fascisantes, coloration religieuse, je reviendrai sur la coloration religieuse. Ben, entre nous, dit tout de suite, la religion a toujours pu être un prétexte manipulé par les bandes fascistes. Prenez simplement le fascisme espagnol. Le fascisme espagnol se réclamait entièrement de la religion catholique. Les bandes armées de Franco étaient bénies par les évêques, etc., etc. Et on parlait de la grande Espagne catholique qu'on allait substituer à l'Espagne républicaine. Donc il ne faut pas prendre ça trop au sérieux et faire porter le chapeau à l'islam, franchement. D'abord, et j'y reviendrai tout à l'heure, d'abord la nature des bandes en question est d'occuper un terrain capitaliste dévasté pour y installer un gangstérisme rentable qui, ensuite, pourra prendre les couleurs spirituelles les plus variées. Et les religions ont toujours pu se combiner avec les pratiques mafieuses. Les mafias elles-mêmes étaient souvent d'un catholicisme très respectueux. Alors, dans cet élément-là, je voudrais en venir aux subjectivités typiques qui sont sur cet horizon-là, qui sont créés. Qu'est-ce qui apparaît comme figure subjective? Alors, j'en distinguerai trois. Alors, par subjectivité typique, je vous indique, je considère des choses qui sont des productions effectives de ce monde-là dont je parle. Ce n'est pas toutes les subjectivités possibles, c'est celles que je considère comme étant induites ou produites par l'analyse mondaine. Alors, je pense qu'il y a la subjectivité occidentale, appelons-la comme ça, la subjectivité du désir d'Occident, qui n'est pas la même, la subjectivité occidentale, la subjectivité du désir d'Occident, et la subjectivité que j'appellerais nihiliste. Donc je pense que ces trois subjectivités, la subjectivité occidentale, la subjectivité du désir d'Occident et la subjectivité nihiliste, sont des créations typiques de l'état contemporain du monde. Alors d'abord, la subjectivité occidentale. Alors, la subjectivité occidentale, c'est au fond la subjectivité de ceux qui se partagent les 14% laissés par l'oligarchie dominante. C'est-à-dire, c'est la subjectivité de la classe moyenne. Elle est d'ailleurs largement concentrée dans les pays les plus développés, c'est absolument normal. C'est là que les miettes peuvent être distribuées. Alors, cette subjectivité occidentale, elle est, à mon avis, travaillée par une contradiction, telle qu'on la voit fonctionner. Dans un premier élément, c'est un très grand contentement de soi-même. Les Occidentaux sont très contents d'eux-mêmes. Il y a une arrogance historique là-derrière, évidemment. Il n'y a pas si longtemps, après tout, que ce qu'on appelle l'Occident, mais on peut y inclure une bonne partie du Japon, etc. C'est le nom courant, les Occidentaux, l'Occident, d'ailleurs les civilisés. Il y a une arrogance historique d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas si longtemps qu'en effet, ils étaient détenteurs du monde. À l'époque où, rien qu'à additionner les Anglais et les Français, on avait presque la cartographie du monde entier, n'est pas si éloigné que ça. Une arrogance historique et un contentement de soi. Alors ça, c'est un versant de la chose. Mais l'autre versant, c'est une peur constante. C'est-à-dire, on est très content de soi, mais la menace est là. La menace est là. C'est-à-dire la peur constante de quoi? Moi, je dirais, avec un matérialisme évidemment un peu brutal, la peur brutale de se voir balancer des 40% qu'on partage, des 14% qu'on partage du côté des 50% où il n'y a rien. Et alors, c'est ça qui définit l'art des gouvernements démocratiques. Aujourd'hui. L'art des gouvernements démocratiques, aujourd'hui, quelle que soit leur couleur, c'est de diriger cette peur qui anime leur base, la classe moyenne, non pas contre eux, les gouvernements, mais contre les représentants internes de la masse démunie. Ça, c'est une opération majeure. Ce qui est le linéament de l'organisation d'une sorte de guerre civile rampante, quand même. Linéament d'une guerre civile rampante, dans laquelle, au nom des intérêts civilisationnels de la classe moyenne, on désignerait quand même les représentants internes de la masse des démunis chez nous, il y en a tout de même quelques millions, comme les responsables de la situation périlleuse dans laquelle se trouve la classe moyenne. Voilà, ça c'est pour l'idéologie, c'est pour ce que j'appelle la subjectivité occidentale typique, tiraillée entre contentement de soi et peur constante, et objet des manipulations politiques, toujours tenter ces manipulations politiques pour esquiver leurs propres responsabilités dans tout ça, de désigner les représentants de la masse démunie, c'est-à-dire de la moitié de l'humanité, en un certain sens, comme ceux dont il faut se méfier. Alors, ça, c'est sur la subjectivité de ceux qui, en un certain sens, représentent le corps même de l'Occident. Maintenant, il faut voir ceux qui ne sont ni de l'oligarchie, ni de la classe moyenne, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni consommateurs ni salariés, qui sont situés hors du marché mondial, souvent, bien, il faut comprendre qu'ils sont constamment exposés au spectacle de l'aisance et de l'arrogance des autres. C'est un effet des médias, ça, des médias universels. Les médias universels, ça accompagne l'expansion mondiale du capitalisme. C'est un phénomène, deux phénomènes absolument liés. Et d'ailleurs, ils sont concentrés dans des firmes multinationales gigantesques comme Apple, Google, etc. Et alors, non seulement le mode de vie occidental n'est pas négociable, mais il se montre à tout le monde comme tel. Donc il est exposé dans les médias, dans les films, par Internet, tant qu'on veut. Et donc ils ont le spectacle constant de l'aisance et de l'arrogance des autres. Et cela en l'absence, que je finirai par dire, je l'espère provisoire, en l'absence d'une issue idéologique et politique d'ensemble. Donc ils voient ce spectacle, ils voient qu'il y a un noyau d'aisance, d'arrogance, de prétention à la civilisation, à la modernité qui est établi, ça leur est communiqué constamment, et ils n'ont contre cela aucune ressource particulière dans l'état actuel des choses. Alors le résultat, c'est une frustration amère, très répandue. C'est un mélange classique d'envie et de révolte. D'où les deux autres subjectivités typiques. La première, c'est le que j'appellerais le désir d'Occident. C'est d'ailleurs la conclusion banale qui est de désirer ce qui leur est représenté, présenté, et par conséquent, c'est d'essayer d'adopter un comportement et une consommation de classe moyenne sans en avoir les moyens. Alors, ça donne aussi, évidemment, le flot migratoire. Une partie du flot migratoire est animée par le désir d'Occident. Et le désir d'Occident, ça peut être aussi tout simplement le désir d'y aller en Occident, puisque c'est si bien, tout le monde y est content, c'est une aisance magnifique, ben, allons-y, nous, on ne voit rien de tel chez nous, allons-y, ça c'est normal. Ça, c'est le désir d'Occident. Mais c'est aussi des aliénations locales, c'est-à-dire des tendances à copier avec des moyens misérables, à copier les configurations et les modes de vie occidentaux. Alors, on pourrait parler très longtemps de ce thème du désir d'Occident, qui est fondamental aujourd'hui dans le monde, qui a des effets considérables. Alors ça, c'est la première figure. Mais la deuxième figure, c'est un désir de revanche et de destruction, qui évidemment est en couplage avec le désir d'imitation et de départ. Un désir de revanche et de destruction, souvent exprimé dans des mythologies réactives, dans des traditionnalismes vantés, comme devant être défendu à tout prix contre ce mode de vie occidental, contre le désir d'Occident. En fait, c'est en définitive le nihilisme de celui dont la vie est comptée pour rien. Et évidemment, ce nihilisme, celui dont la vie est comptée pour rien, se constitue aussi contre le désir d'Occident. Parce que le désir d'Occident est son fantôme caché. C'est-à-dire que s'il ne donnait pas cours à son nihilisme agressif, il sait très bien qu'en réalité, il est déjà habité aussi par le désir d'Occident. Et donc ces deux formes typiques, ces deux subjectivités typiques, la subjectivité du désir d'Occident et la subjectivité nihiliste de revanche, de destruction, sont à parier, d'une certaine manière. Elles forment un couple. Et tout ça, dans un contexte où rien n'est proposé qui serait une levée collective qui affirmerait et organiserait la perspective d'une autre structure du monde. Parce que vous voyez que tout cela reste en réalité interne à la structure du monde telle que je l'ai décrite. Alors ceci m'amène à voir sur fond de ces singularités subjectives comment caractériser ce que j'ai appelé le fascisme contemporain, qui est après tout le nom que je donne à ceux qui sont appelés les barbares. Alors, de manière générale, je pense qu'on peut appeler fascisme la subjectivité populaire qui est générée et suscitée par le capitalisme, soit parce qu'il y a une crise systémique grave, ça a été le cas dans les années 30, hein, soit peut-être plus profondément sous l'effet des limites structurales du capitalisme, telles que je les ai décrites. C'est-à-dire des limites structurales du capitalisme mises en évidence par la mondialisation, justement. Mondialisation qui, rappelons-le, est à la fois une expansion, mais aussi une expansion qui révèle l'incapacité du capitalisme, par exemple, à valoriser l'ensemble de la force de travail disponible. Donc le fascisme, c'est une subjectivité réactive, intracapitaliste d'une certaine manière, puisqu'elle ne propose rien d'autre en réalité, mais c'est une subjectivité réactive qui impute au capitalisme, au fond, de ne pas être en état de tenir les promesses qu'il fait lui-même. Comme, d'une certaine façon, le déçu du désir d'Occident impute à l'Occident et devient l'ennemi de l'Occident, parce que, en réalité, son désir d'Occident n'est pas satisfait. On voit bien la corrélation entre les deux. Alors, ce fascisme est donc nourri de la réaction agressive, nihiliste et destructrice dont nous parlions, parce qu'il est aussi une sorte de répression intime et négative du désir d'Occident. Il est, en un certain sens, largement un désir d'Occident refoulé ou dénié, et à la place de quoi vient se situer une réaction nihiliste et mortifère dont la cible est précisément ce qui était l'objet possible du désir. Alors là, on est dans un schéma psychanalytique classique, il s'agit de sujets là dont on parle. On peut le définir comme une pulsion de mort, finalement, articulée dans un langage identitaire. Une pulsion de mort, mais qui s'articule, qui se parle dans un langage identitaire réactif. La religion est un ingrédient tout à fait possible. Hein. Comme je vous le rappelais, le catholicisme l'a été pour le fascisme espagnol pendant la guerre civile. L'islam l'est aujourd'hui au Moyen-Orient, particulièrement là où le zonage impérial a détruit les États. Mais à mon sens, ce n'est absolument pas le fond de l'affaire. C'est une forme de subjectivation, mais ce n'est pas le contenu réel de la chose. Le contenu réel est, en réalité, il dérive réellement de l'omniprésence du désir d'Occident sous sa forme affirmée et explicite ou sous sa forme refoulée et mortifère. La forme pratique de ces fascismes, c'est toujours la logique de la bande, hein, c'est le gangstérisme criminel, avec la conquête et la défense de territoires, où on a le monopole des affaires, le caractère spectaculaire de la cruauté, le pillage, et puis aussi, comme dans le cas des différentes mafias, le recyclage permanent des choses dans le marché mondial, par ailleurs. Donc ce n'est pas deux univers disjoints. Hein. Daesh, je vous l'ai dit déjà, est une grande firme commerciale, elle vend du pétrole, elle vend des œuvres d'art, elle vend du coton, elle vend des tas de choses, elle vend des armes. De sorte que cette forme fascisante est en réalité interne à la structure capitaliste mondialisée, dont elle est en quelque manière une perversion. Mais la perversion au sens où la perversion est toujours aussi une forme du sujet. Tout le monde sait que les firmes, non seulement les firmes, mais des clients occidentaux avérés, comme le gouvernement d'Arabie Saoudite par exemple, ne cesse de négocier avec les bandes fascistes moyen-orientales. Et elles négocient sur le plan de leurs intérêts propres. Alors on peut dire que tout ça est le revers de la frustration, finalement, le revers de la frustration organisée plus ou moins militairement sur le modèle flexible de la bande mafieuse et avec des colorations idéologiques variables. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce qu'elle propose aux jeunes. Qu'est-ce que tout ça, finalement, quelle est la nature de la proposition faite aux jeunes à travers tout ça? Parce qu'après tout, ces tueurs, ce sont des jeunes, et sont des jeunes d'ici. Hein. Ce sont des jeunes issus de l'immigration ouvrière. Hein. C'est là qu'ils sortent. Alors, ce qu'elle propose aux jeunes, dont la vie est sans perspective, c'est-à-dire qu'ils sont, au fond, à la marge à la fois du salariat et de la consommation et de l'avenir. Je pense que c'est un mélange, d'abord, d'un côté, d'héroïsme sacrificiel et criminel. On va être quelqu'un comme un mafieux fier de l'être, hein. C'est-à-dire un héroïsme sacrificiel et criminel, les deux. Alors, ça veut dire tuer des Occidentaux, vaincre les tueurs des autres bandes, pratiquer une cruauté satisfaisante, conquérir des territoires, etc., etc. Ça, d'un côté, et de l'autre, des touches de satisfaction occidentale. Il faut savoir que Daesh paye assez bien l'ensemble de ces hommes, enfin, beaucoup mieux que ce qu'ils pourraient gagner normalement, si je puis dire. Et puis, il y a donc un peu d'argent, il y a des femmes, il y a des voitures, etc. C'est donc un mélange de propositions héroïques mortifères et, en même temps, de corruption occidentale par les produits. Et ça, c'est un mélange consistant qui fait que... qui a toujours été, au fond, une des caractéristiques des bandes fascistes. Alors, la religion peut parfaitement être la sauce identitaire de tout ça, en tant que, justement, elle est un référent anti-occidental présentable, mais, comme on voit, à la fin des fins, l'origine des jeunes importe assez peu. Leur origine, c'est-à-dire spirituelle, religieuse, etc. Ce qui compte, c'est le choix qu'ils ont fait quant à leur frustration. Et ils vont être ralliés éventuellement au mélange de corruption et d'héroïsme sacrificiel et criminel, à raison de la subjectivité qui est la leur, pas à raison de la conviction islamique, dont on a étudié d'ailleurs que dans la plupart des cas de type Daesh, etc., elle est terminale plutôt qu'inaugurale. C'est-à-dire elle est quelque chose qui vient nommer, structurer et lier tout ça, mais au niveau du désir véritable, il est composé de façon complexe, comme je l'ai dit. Alors, ça m'amène à la partie qui sont dans ces conditions les tueurs, que dire de leurs actes. Alors, disons, les tueurs sont de jeunes fascistes, au sens que je viens de dire, issus de l'immigration ouvrière. Et au fond, une comparaison que je fais assez volontiers, c'est entre eux et certains, en tout cas, des miliciens en France de la dernière guerre, les bandes de jeunes miliciens collabos des Allemands, hein. Là aussi, il y avait l'aspect vive à la muerte, enfin, il y avait l'aspect on fait n'importe quoi, on est armé, on peut tuer des gens, on peut les torturer, etc. Il y avait ça, il y avait aussi la cruauté affichée, et puis il y avait des tas de petits profits de type belle vie, voiture, fric, fille, etc. C'était donc le même mélange, le même ingrédient, et je pense que la bande fasciste, de ce point de vue-là, a toujours cette caractéristique. Et alors tout ça est évidemment capté par une logique politique. Ça n'est pas une logique politique, mais c'est capté par une logique politique de scission interne, que j'appellerais une scission interne. Au fond, qu'est-ce que c'était que les miliciens? C'était des Français, mais c'était des Français de guerre civile contre les intérêts nationaux les plus évidents, puisque c'était la collaboration, évidemment. Donc il y avait quelque chose de clivé là-dedans. Ils se réclamaient abondamment de la France, comme Pétain, la France, alors qu'ils étaient en train de travailler, y compris dans des conditions sordides, contre tous les intérêts nationaux et élémentaires qui sont de ne pas être occupés par une puissance étrangère, etc. C'est ce que j'appelle la scission interne. Et alors, les tueurs d'aujourd'hui, là, ils sont, en un certain sens, de typiques produits du désir d'Occident frustré, c'est-à-dire de gens habités par un désir d'Occident réprimé et frustré, et qui s'imaginent être des anti-occidentaux, alors qu'ils sont un des symptômes nihilistes, finalement, de la vacuité aveugle du capitalisme mondialisé, et de son incapacité, de son impéritie à compter tout le monde pour quelque chose dans le monde tel qu'il est. Ça, c'est comme ça que je les caractériserais. Alors leur acte, à mon sens, n'est pas mal qualifié, enfin les mots là sont... Il y a eu un bon article de l'écrivain américain Richard Ford disant que dans cette affaire, les mots étaient très importants. Alors, ce serait une manière de refaire tout ça, d'expliquer pourquoi attentat n'est pas bon, terroriste non plus, etc. La France, la guerre, enfin tout le lexique utilisé est mauvais. Mais là, je ne pense pas que leur acte est un attentat. Un attentat, c'est ce qu'organisaient les résistants contre les occupants nazis et leurs complices pétainistes. Ça s'appelait des attentats, ça. En fait, si on voit l'affaire telle qu'elle s'est déroulée, c'est pas une affaire vraiment organisée ni militaire. C'est une affaire foireuse, pour tout dire. Et elle peut l'être, pourquoi ? Parce que les gars ont décidé que leur vie ne comptait pas. C'est le ressort absolu de ce genre d'affaire. Leur vie, à eux, ne compte pas. Et parce que leur vie ne compte pas, la vie des autres n'est rien du tout non plus. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, c'est vraiment le nihilisme qui est le ressort de tout ça. C'est la capacité de considérer que on va cramer sa vie, quoi. On va cramer sa vie dans un héroïsme ridicule et artificiel et en même temps scandaleux et atroce, après avoir sans doute baroudé par-ci par-là, touché un peu d'argent, etc. Donc c'est pas vraiment un attentat au sens où attentat veut dire une pratique réfléchie, décidant ses cibles, prévoyant des moyens de repli, etc., etc. Moi, je pense qu'il faut l'appeler un meurtre de masse, dans lequel le meurtrier s'inclut lui-même. C'est tout de même un point très important. Donc c'est un meurtre de masse horrible, et dans lequel, point tout aussi horrible d'ailleurs, le meurtrier s'inclut lui-même, dans une forme suicidaire qui porte à son comble l'instinct de mort. Finalement, il n'y a plus rien, ni les victimes, ni l'assassin. En la matière, c'est un acte atroce et criminel, il faut le qualifier comme ça, un acte fasciste, atroce et criminel. Enfin, si barbare, puisque c'est le mot adopté, les barbares, la guerre aux barbares, hein, la guerre aux barbares, c'est la guerre des civilisés contre les barbares. Voilà. Barbare, ça a toujours voulu dire le contraire de civilisé. Alors, si barbare s'oppose à civilisé, même au regard de cet acte qui est atroce et criminel, et il n'y a aucune autre raison que l'arrogance occidentale de le registrer à la barbarie contre ce qui serait non-valeur. Parce que tout de même, c'est le moment de rappeler que les tueries occidentales sont aujourd'hui permanentes et extraordinairement sanglantes. Donc, si on découpe la chose, là, si on compte les morts, si on compte les conditions de ces morts, etc., etc., je donnerai trois exemples, mais on pourrait les multiplier. Les Occidentaux ont le pouvoir à l'heure actuelle d'assassiner les gens sans sortir de leur bureau, avec les drones. C'est une pratique, c'est pas splendide. Bon. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a fait des statistiques là-dessus. C'est-à-dire que pour une des cibles tuées, il y a 9 morts qui n'y étaient pour rien. Hein. C'est ça le drone. Donc si vous multipliez les drones, vous avez très vite des centaines et des centaines de gens qui ont été massacrés pour rien. Pour rien. Donc, si on appelle barbare le fait de tuer des gens pour rien, nous, les Occidentaux, on tue tous les jours. Il faut le savoir. Et simplement, dans un cas, la barbarie, nous avons un meurtre de masse assumé et suicidaire, donc l'atrocité est assumée et suicidaire. Dans le cas des civilisés, C'est un meurtre de masse, technologique, dissimulé et satisfait. La proportion des morts occidentaux dans les conflits explicites en Irak ou en Palestine, c'est de 1 à 20 à peu près. Les Occidentaux sont allés d'ailleurs jusqu'à prétendre que ce qui était bien, c'était zéro mort de leur côté et tous les morts de l'autre, qui est une pratique de la guerre très spéciale. Une pratique de la guerre très spéciale. Ils n'y sont pas arrivés tout à fait. Mais on a à peu près, si on compte les morts dans les conflits afghans, irakiens, palestiniens, c'est de 1 à 20 à peu près. Un mort occidental pour 20 morts de l'autre côté. Donc cette disproportion, elle est enregistrée par les gens. Les gens qui vivent ce genre de situation. Ils voient bien comment que c'est comme ça que ça se passe et pas autrement. Prenons sans même l'examiner dans ses significations politiques, mais l'affaire de Gaza. 2000 morts. Hein. 2000 morts, on sait qu'il y a 450 enfants. Alors, c'est civilisé, ça, parce que c'est des avions, c'est tout. Donc, je dis tout ça parce que je pense que la détermination de qui sont les tueurs, qui pour moi sont des jeunes fascistes issus de l'émigration ouvrière, qui ressemblent aux miliciens et dont je comprends très bien les motifs bourbeux, embourbés, il n'y a pas de raison particulière de faire comme si, au regard de ces gens-là, les armées occidentales représentaient la civilisation. Ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait inadmissible. En fait, la guerre est la guerre, c'est toujours des tueries plus ou moins bourbeuses. Et au fond, nous avons nous-mêmes torturé, tué, déporté, tant et plus dans les guerres coloniales et après. Et nous continuerons à le faire si, nos gouvernements le disent, le temps est venu d'une grande guerre contre le terrorisme. Alors ça me mène à la réaction de l'État et au façonnage de l'opinion publique. Alors, je l'ai dit, l'État me paraît aujourd'hui un acteur secondaire au regard de la structure générale, mais il a une fonction de gestion de sa base locale, c'est-à-dire de faire que sa base locale, à savoir la classe moyenne en définitive, la classe moyenne occidentale, réagisse dans la bonne direction. Je pense que la fonction fondamentale d'un État comme l'État en France, je l'ai dit, c'est de discipliner la classe moyenne. Et ça, c'est spectaculairement l'œuvre de la gauche. La gauche est bonne pour discipliner la classe moyenne. Et c'est pour ça que là, elle est excellemment dans sa position. Je vous rappellerai qu'à l'époque de ma jeunesse, dans la guerre d'Algérie, alors là, c'était encore une autre affaire, c'était aussi la gauche, hein, Guy Mollet, Lacoste, tout ça. Donc il semble que pour discipliner la classe moyenne, en lui disant la guerre, ce qui n'est pas son habitude beaucoup à la classe moyenne occidentale, la guerre. Hein. On a fait une statistique là-dessus. Combien de gens sont prêts à mourir pour la patrie aujourd'hui en France ? 3%. Et 67% de Russes, vous le savez. Alors, évidemment, c'est un peu... Donc, cette discipline de la classe moyenne sous le grand mot d'ordre de guerre, c'est aussi une fiction, quand même. C'est une tromperie. Personne n'est prêt à faire la guerre, ici, dans ce pays. Hein. Personne. Donc, c'est pas... C'est ça, le mot guerre n'est pas à sa place. Hein. En janvier, l'État avait utilisé la laïcité républicaine. Cette fois, il essaie d'utiliser le vieux nationalisme, la France, le drapeau tricolore, couplé à ce qu'en est l'éternel ressort, c'est la guerre. Mais bon, ce couple est évidemment aberrant. Et d'ailleurs, à mon avis, il ne fonctionnera pas longtemps. Alors, je voudrais dire quelques mots sur ces deux choses. La France. Alors la France aujourd'hui, à mon avis, c'est insignifiant, sans contenu affirmatif définissable. C'est-à-dire, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que la France ? C'est un acteur déclinant un peu de seconde zone de la structure mondiale que j'ai décrite. Alors on dit les valeurs, mais les valeurs de la France, c'est quoi ? Nos valeurs. Alors moi, j'ai mon point de vue là-dessus. La France, ce qui singularisait la France, parce que s'il y a des valeurs de la France, il faut se demander ce qui les singularise, c'était Si c'était quelque chose, c'était la tradition révolutionnaire. C'était la tradition révolutionnaire, républicaine d'abord, à partir de la révolution de 89, puis socialiste, anarcho-syndicaliste, communiste, et finalement gauchiste, entre 1789 et, mettons, 1976, sur une période historique. Mais c'est fini, ça. C'est fini. La France, c'est plus représentable aujourd'hui de façon décente comme le lieu privilégié d'une tradition révolutionnaire. Elle est plutôt caractérisée par une collection singulière d'intellectuels identitaires. Elle s'est aussi manifestée par une chose qui n'a été faite nulle part ailleurs, c'est-à-dire des lois ouvertement discriminatoires concernant une partie des pauvres qu'elle a créés. Des lois, on peut les énumérer, mais les lois sur le foulard islamique, tout ça, je regrette. Ce sont des lois de stigmatisation et de ségrégation visant qui ? Visant des pauvres, des populations pauvres, qui ont leur religion comme les Bretons étaient catholiques dans le temps passé. C'est pas plus ni moins que ça. Et les viser spécifiquement, alors que c'est le capitalisme français qui a créé ces pauvres. Parce que, pourquoi ? Mais parce que c'est lui qui a détruit l'appareil industriel français. Pourquoi y avait-il tant de gens venus du tiers-monde chez nous ? Parce qu'on est allé les chercher. Il faut rappeler l'époque. On allait en avion au Maroc pour ramener les ouvriers nécessaires pour les chaînes des entreprises de construction, de voitures. Et maintenant, on a alors ces gens ont fait venir leur famille, il y a une deuxième génération, il y a des jeunes. Leur destin normal était de devenir eux aussi ouvriers qualifiés, etc. Mais on a détruit entre-temps l'appareil productif, les usines pratiquement terminées, tout est délocalisé. Donc ces gens n'ont aucun avenir. Mais c'est une tromperie, c'est une duperie. On les a importés sans garantie. Mais maintenant, on voudrait les exporter. Mais c'est pas comme ça. Ça se manie pas comme ça, le matériel humain, tout de même. Et donc, je pense réellement qu'aujourd'hui, France, ça veut dire un peu tout ça. Et ça ne crée pas un emblème significatif. Ça ne crée pas un emblème visible et intéressant. Et ceux qui sont dans des crispations identitaires sur la France, on voit bien ce qu'ils veulent. Finalement, ils veulent, comme toujours dans les crispations identitaires, qu'on persécute les autres. Parce que c'est toujours ça, l'identité, à la fin des fins, quand elle n'a pas de signification universelle, comme la tradition révolutionnaire. Une identité qui n'a pas de signification universelle, elle ne se définit que par la persécution de ce qui n'est pas elle. Il n'y a pas d'autre moyen de lui donner de l'activité. Les gens qui disent la France, mais qu'est-ce qu'ils font, eux, pour la France ? Ben, ils brament contre les Arabes, c'est tout. Et je ne pense pas que ce soit un service éminent rendu à la France. Ça n'honore pas les Français, particulièrement. Mais ils sont certainement encore moins de 3% à vouloir mourir pour la patrie. Ça... Et ils mourraient plutôt pour leur statut médiatique. Voilà, donc moi je pense que sur cette question, il faut dire que ce ne sont pas les barbares qui ont déclaré une guerre, mais c'est l'État français qui est allé à la remorque des firmes et quelquefois des Américains, se mêler d'affaires impériales bourbeuses, participer à des zonages, détruire des États et créer par là même l'ensemble de la situation dont j'essaie de faire le panorama. Et cette situation inclut la genèse subjective de jeunes fascistes dans les zones découvertes et dans le fait que toute une partie de la population mondiale est comptée pour rien. Alors, j'en viens à ce qui va mener à la conclusion, là. Comment dans ces conditions, essayer de construire une pensée différente comment s'arracher à tout ça ? Voilà. Alors, je pense que pour s'arracher à la propagande qui accompagne toute déclaration de guerre, même absolument fictive, la grande tradition des déclarations de guerre, des propagandes absolument fictives, Tu vois, il n'y a qu'à voir la littérature concernant les Boches en 1914. Les Boches, ils étaient assez peu différents de nous, bien dire. Alors, comment faire? Je pense qu'à l'espace qui est défini comme la France et les fantomatiques français, nous sommes français. Quand vous dites « je suis français », oui, je parle français. Voilà. Mais en dehors de ça... Alors, je pense qu'il faut substituer à ça mentalement et pratiquement un espace international, une façon de penser internationale, je dirais même transnationale, qui soit à la hauteur de la mondialisation capitaliste. Vous comprenez ? Parce que il y a belle lurette que les capitalistes ont cessé d'être des Français, eux. Ils ont de l'avance. Ils sont chez eux à Shanghai, ils sont chez eux à San Francisco, ils sont chez eux au Maroc. Eux. Et nous pas. Vous voyez ? C'est un énorme retard, ça. Et encore bien plus si nous aggravons ce retard par le fait que nous ne sommes même pas capables de reconnaître comme étant avec nous et chez nous les gens qui sont là, les gens qui sont comptés pour rien, et si nous n'entreprenons pas avec eux une ouverture ou un chemin politique nouveau. C'est quand même terrible de considérer que la défaite révolutionnaire a été telle que nous ne sommes même pas en état d'avoir mentalement une représentation mondialisée des problèmes, alors que nos adversaires immédiats, eux, l'ont conquise depuis longtemps. Et l'ont compris au détriment, justement, de tout ce qu'étaient les protections étatiques. Ça, c'est le problème. Alors, il faut, dans ce même mouvement, il faut avoir la force de se désintéresser partiellement de l'État lui-même. Parce que l'État, c'est ce qui vient quand France ou Français ne veut plus dire grand-chose. L'État nous convoque, hein, comme il le fait aujourd'hui. Après tout, l'État n'est qu'un agent de la nouvelle séquence du capital toutes tendances confondues. Et je pense que le point n'est pas tant... oui, il faut être contre l'État, mais il faut voir que l'État est en train de dépérir, en réalité. Et il est en train de dépérir en dévorant le lien social lui-même, en dévorant la société. Et donc, il faut s'en désintéresser. Là n'est pas le problème. On ne fera rien dans l'État, avec l'État. Il faut s'établir ailleurs, armé d'une pensée qui soit à échelle planétaire. Et là, il faut dire ceci, je crois. L'absence à échelle mondiale, ce dont nous souffrons, c'est l'absence à échelle mondiale d'une politique qui serait disjointe de toute intériorité au capitalisme. C'est l'absence à échelle mondiale de cette politique disjointe de toute intériorité au capitalisme qui fait que apparaît et se crée une jeunesse fasciste. Ce n'est pas la jeunesse fasciste, le banditisme et la religion qui créent l'absence de cette politique. C'est l'absence de cette politique qui crée la possibilité du fascisme, du banditisme et des déviations religieuses. Alors, voilà, je pensais, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, à Phèdre de Racine, quand Phèdre dit, au moment où elle doit avouer son amour à ses propres yeux, qui est un amour criminel, quand elle doit avouer les raisons de son amour criminel, elle dit « mon mal vient de plus loin ». Mais je pense qu'il faut penser comme ça, notre mal vient de plus loin que l'immigration, que l'islam, que le Moyen-Orient dévasté, que l'Afrique soumise au pillage, notre mal vient de l'échec historique du communisme. C'est de là qu'il vient notre mal. Et donc il vient de loin, en effet. Par communisme, j'entends simplement le nom historique, le nom qui a été donné à une pensée stratégique disjointe de la structure capitaliste hégémonique. Cet échec a été scellé probablement dès le milieu des années 70 du dernier siècle, et c'est pour ça que la périodisation qu'on propose ici commence aux années 80. Et évidemment, nous en sommes où aujourd'hui ? Il y a un prolétariat nomade, je l'appelle comme ça, et un prolétariat nomade qui, lui, est très fortement internationalisé déjà, et dans la terre entière. Les ouvriers en Corée sont largement népalais ou venus du Bangladesh, c'est pas simplement ici, hein. Les ouvriers ici, on le sait, sont venus du Maroc ou du Mali, etc. Et puis, quand vient la crise, il faut qu'ils partent ailleurs, etc. Donc, il y a cet énorme prolétariat nomade qui, d'une certaine façon, est la représentation pour nous de la totalité de la masse gigantesque des gens qui ne sont pas comptés dans le monde comme il est. Il y a quand même des intellectuels, des gens de la classe moyenne, y compris occidentale, qui sont disponibles pour cette pensée neuve, ou qui la portent, ou qui essaient de la porter. Tout le problème est qu'ils se lient au prolétariat nomade, qu'ils aillent le voir, le consulter, parler avec lui, etc. Il n'est de pensée neuve en politique que dans des alliances inattendues, dans des alliances improbables. Et puis, il y a une jeunesse, on sait bien, il y a une jeunesse, pour les raisons que j'ai dites, qui, lorsqu'elle arrive au bord du monde, là, se demande ce que ce monde lui propose. Et elle n'a peut-être pas envie de s'incruster dans une des trois figures que j'ai appelées typiques. N'a peut-être pas envie d'entonner le chant de la gloire de l'Occident. Elle n'a peut-être pas envie non plus d'être animée par un désir de cette gloire et de tenter d'y installer son destin. Elle n'a peut-être pas envie non plus d'être dans le nihilisme meurtrier. Donc, qu'est-ce qui est. Tant qu'une proposition stratégique autre ne lui sera pas faite, elle restera dans une désorientation essentielle. Parce qu'on peut dire cela, on peut dire que le capitalisme est une machine à désorienter les sujets. Des sujets qui ne se résignent pas à être simplement dans la vacuité du binôme consommateur-salarié. Et s'il y a cette proposition, s'il y a cette irrigation par une pensée neuve, alors, à propos y compris de ce qui s'est passé, ce sera cela qui viendra à bout du fascisme contemporain. Ce ne sera pas les sordides guerres de l'État qui ne nous promettent rien de bon. Ce sera la capacité de résorber, d'annuler la fascisation rampante, parce que quelque chose d'autre sera proposé. C'est-à-dire que nous créerons une quatrième figure subjective typique. Et si rien de tout cela se fait, ça continuera comme c'est. Ça continuera comme c'est. Et à la fin des fins, il y aura la guerre, la grande guerre. La grande guerre. Parce que c'est elle qui, à ce moment-là, simplifie la situation. En détruisant suffisamment de choses pour que tout aille mieux. Vous voyez, donc c'est une séquence dont l'expérience est profonde et intéressante et passionnante, au-delà, évidemment, de son côté effrayant et atroce. Et plutôt que d'être démonté, hébété, sous le choc, ou plutôt que de prendre la posture, n'est-ce pas, du guerrier des valeurs occidentales, M. Valls, lui, on sent sa jouissance. On dirait un adjudant de cavalerie à qui on vient de dire qu'il avait maintenant le droit de faire courir ses chevaux. Mais ça, vous voyez, c'est... Et puis alors, le drapeau tricolore, la France, etc. C'est... Tout ça nous conduira dans l'impasse et dans l'abjection. Il y a une urgence, mais une urgence stratégique, c'est le travail, qui est un travail pour tout le monde. Puisque c'est un travail de pensée, mais c'est un travail de geste, c'est un travail de trajet, c'est un travail d'aller voir qui est cet autre dont on vous parle, qui il est vraiment, de recueillir sa pensée, ses idées, sa vision des choses, et de l'inscrire, lui et vous, en même temps, dans une vision stratégique du destin de l'humanité, qui essaiera de ne pas continuer ce que j'ai essayé de vous décrire, tout de même, qui essaiera de rompre avec cela, de faire que l'histoire de l'humanité oblique se transforme. Alors, je suis d'un optimisme inébranlable, n'est-ce pas ? Et donc, je pense que c'est ce qui se fera. Mais, bon, le temps presse. Merci.